Rien n'est ya, c'est comme ça, c'est comme ça, ya, c'est comme ça, ya, ya, ya, ya. Demande-moi la lune et j'irai. L'impossible ne fait pas peur, même j'dirai. C'est mon moteur, traite-moi de menteur. L'orgueil me fait peur, comme la colère dans mon cœur. J'écris comme ça, viens, y'a pas de fantaisie. Je noie mon chagrin dans une bouteille de poésie. L'amour est mort, mais l'espoir fait vivre. Je me fonds dans le décor un peu comme ces vieux livres. Accroché à mon passé, faut que je lâche du lest. Faut avancer dans la vie, je me moque du reste. Je veux qu'on m'entende, qu'on comprenne ma mélodie. Je veux qu'on se rassemble, qu'on se met ma mort, la vie. Ma vie c'est ma muse et ma musique. Dans votre monde tout est gris, tout est tragique. Les gens veulent de la couleur, quelque chose de magique. Mon art consiste à les faire rêver à travers ma musique. Pour les miens je reste authentique. Pas même le temps ni les gens ne pourront le changer. Et voilà mon monde magique qui ne tient qu'à toi d'ouvrir les yeux, de le contempler. À travers ma musique, c'est mon amour, ma passion que je viens partager. Mon sang, chaque jour que Dieu fait, peu importe les saisons. Yeah. Mon rap n'a pas d'identité, il erre au-delà des frontières, il est émancipé. J'avance avec sérénité sans jamais hésiter. La clé de mon succès est la sincérité. Je vois des gens qui reconnaissent pas leur bonheur, mais celui des autres ne leur échappe jamais. Le confort, la jalousie et de la rancœur leur suffit amplement, ça je comprendrai jamais. Moi-même j'ai du mal à pardonner, rancunier, je rends toujours ce qu'on m'a donné. Bref, c'est juste une fraction de ma vie. J'écris ce que je vois, je retranscris mes textes, un manuscrit dans lequel il est dit que mon hip-hop est comme un arc-en-ciel de symphonie. On dit aussi que je peux rapper toute la nuit. Plongé dans la musique, j'oublie tous mes soucis. Pour les miens, je reste authentique. Pas même le temps ni les gens ne pourront le changer. Et voilà mon monde magique qui ne tient qu'à toi d'ouvrir les yeux, de le contempler. À travers ma musique, c'est mon amour, ma passion que je viens partager. Mon son, chaque jour que Dieu fait, peu importe les saisons. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, yeah, yeah, yeah. Pas besoin de parler d'eux pour qu'on capte mon son. Y'a pas plus dangereux que ce que nous appelons des illusions. Je n'ai rien contre l'art tant qu'elle ne touche pas mon son. On accumule les infractions qui ne servent toujours pas de leçon. Je ne suis qu'un MC aux idées larges comme mon baggy en kaki. Quand on me teste de trop, rien n'est acquis. Au taquet, dans ce que je fais, mais toujours aux aguets. Remarqué par la foule sur scène, je mets le paquet. Ça a toujours été au mien que je pensais lorsque j'écrivais. J'oublierai jamais d'où je viens, le psy restera gravé. Du hip hop, comme ça je fais. Faire kiffer, comme ça je fais. Authentique, comme ça je suis. Ma musique, comme ça je vis. Pour les miens, je reste authentique. Pas même le temps ni les gens ne pourront le changer. Et voilà mon monde magique qui ne tient qu'à toi d'ouvrir les yeux, de le contempler. À travers ma musique, c'est mon amour, ma passion que je viens partager. Mon son, chaque jour que Dieu fait, peu importe les saisons. C'est comme ça, c'est comme ça.